on a voté CAQ. Mais saviez-vous qu'en votant CAQ, je sais que c'est pas ça qu'on voulait, là. Non. On a voté droite. Mais demande à n'importe quel libéraux, donne-le 4-5 sièges de plus à Québec, puis il gagne. Mm-hmm. C'est Charest qui est encore PM. Les libéraux. Je sais que vous aimiez pas Charest, mais justement, il est parti, là, c'est Couillard. Moi, je voterais CAQ. Non, je suis en train de faire, j'aurais pas le temps, il est 5h57. Vous voyez ce que je veux en venir, là? Commencez à y penser. Anybody but Marois. Complétez. Anybody but Marois. Est-ce qu'on devrait pas se passer le mot à Québec, on check les sondages, puis ça me ferait mal au cœur. Mais de dire, on aime mieux la CAQ. Mais faut bloquer Marois à tout prix. Elle débâtit l'économie du Québec, là. Là, faut penser à mettre du pain puis du beurre sur notre table, baisser les taxes et impôts. Faut trouver des jobs à notre monde, à nos pères de famille, pis à nos mères de famille. Faut, là, le moment donné, là, fini d'être pogné à la gorge. Anybody but Marois. Puis s'il faut, on passe le mot, on vote Couillard. On vote libéral. On est désolé pour nos amis de la CAQ, là. Mais en votant pour vous autres, je mets Marois sur le trône. Je débâtis ma province. Ce qui en reste. Pas grand-chose à la une de la presse. Autre, c'est Céline et le maire de Montréal, Michael Applebaum, qui est vraiment dans la merde, là, au niveau de la corruption, de la collusion, là. Oh, que c'est pas beau, mais ça touche plus Montréal. On va leur laisser ça et on va s'intéresser à notre ville. 5h58. Courte pause, on revient avec le Bloc Info. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime